à toi qui a écouté jusque là. Oui, toi là-bas que je ne vois pas, je suis venu te dire merci.